Imaginez que vous demandiez à votre ami de vous attendre. Comment diriez-vous « attends » ? Voyons, comment ça marche ? C'est un verbe en « are », donc pour le « tu », c'est « aspetta ». Oui, c'est ça, « aspetta ». Et si vous voyez votre interlocuteur, vous diriez ? Aspetti. Aspetti, oui. Je vous rappelle la règle que nous avons déjà vue. On a A quand on donne un ordre à quelqu'un qu'on tutoie. Et on a I quand on donne un ordre à quelqu'un qu'on vous voit. Cette règle est valable pour les verbes en are, tandis qu'avec tous les autres verbes, c'est l'inverse. I pour le tutoiement, A pour le vouvoiement. Dites-moi par exemple, partez. Parta. Parta. Très bien. Maintenant, demandez à quelle heure partez-vous en vous voyant votre interlocuteur. À quelle heure parta? Pas tout à fait. Parte. À quelle heure parte? À quelle heure parte? Oui. Vous voyez que ce n'est pas parce qu'un mot sonne bien qu'il est forcément correct. Il faut réfléchir avant de se lancer. À quelle heure parte? Maintenant, demandez à quelle heure partons-nous? À quelle heure partiamo? À quelle heure partiamo? Oui. Eh bien, ce partiamo, c'est aussi la traduction de partons. Partiamo. Partiamo. Partiamo, c'est ça. Donc, partiamo, c'est nous partons, mais aussi partons. De même, comment diriez-vous allons? Pour allons, comme pour nous allons, il faut partir de l'infinitif aller, qui se dit andare. Oui, andare. Et donc, comment va-t-on dire nous allons? Andiamo. Oui, andiamo, c'est nous allons. Maintenant, pour dire allons, comme dans la phrase « allons au cinéma », il suffit de changer l'intonation. Andiamo. Andiamo al cinema. Andiamo. Andiamo. C'est ça. Et « allons-y » se dit non pas « ci andiamo » qui équivaut simplement à « nous y allons », mais « andiamoci ». C'est-à-dire qu'il faut coller le « ci » à la fin du verbe. Comment diriez-vous maintenant le contraire? N'y allons pas. Non andiamoci. Non andiamoci. Oui, mais aussi non ci andiamo. Puisqu'à l'impératif, avec tu, noi et voi, en présence d'une négation, on n'est pas obligé de coller le ci à la fin du verbe. Rappelez-moi comment on dit je viens. Vengo. Vengo. Et comment dit-on « ils viennent » ? Vengono. Vengono. Et « vous venez », si vous vous adressez à plusieurs personnes, ça se dira comment ? Rappelez-vous qu'on part de l'infinitif dans ce cas. Venite. Venite, oui. Et dites-moi « nous venons ». Veniamo. Veniamo, c'est ça. Comment dit-on « il vient » ? Viene. Viene, absolument. Et « tu viens » se dira ? Vieni. Vieni, oui, vieni. Imaginez maintenant que vous disiez « venez » à quelqu'un que vous voyez. Je vous rappelle que pour donner un ordre à quelqu'un qu'on vous voit, on part du « je ». Comment dit-on « je viens » ? Vengo. Vengo, oui. Et donc, venez, puisque venire est un verbe en ire. Venga. C'est ça. Venez, venga. Comment direz-vous viens? Vieni. Vieni, bien, vieni. Prenons maintenant un autre verbe. Dire, par exemple. Vous allez me traduire, dis-moi pourquoi. Dimmi perché. Il faut redoubler le M. Dimmi. Dimmi. C'est ça. Dimmi. Dimmi. Dimmi perché. Par contre, comment direz-vous? Ne me le dis pas. Je ne veux pas le savoir. Non dirmelo. Non voglio saperlo. Oui, bien. Non dirmelo. Non voglio saperlo. Là, vous avez collé lo à la fin de chaque infinitif. Comme pour le ci de non ci andiamo, en présence d'une négation, on n'est pas obligé de coller lo à la fin du verbe si on donne un ordre à tu, noi ou voi. Donc, au lieu de non dirmelo, non voglio saperlo, on pourrait dire non me lo dire, non lo voglio sapere. Non me lo dire, non lo voglio sapere. C'est ça. Et dites-le-moi, ça se traduit comment? Pour la forme qui correspond au vouvoiement, on part de celle qui correspond à je. Alors, comment dit-on je dis? Dico. Oui, donc dites-le-moi. N'oubliez pas que pour le « vous » du vouvoiement, pour « lei », en italien, ce sera mot à mot « moi le dites ». C'est-à-dire que rien n'est collé à la fin du verbe quand on donne un ordre à quelqu'un qu'on vous voit. Me lo dica. Me lo dica. Me lo dica.